Chapitre 27e. Temps couvert. Au moment où la gerbe incandescente s'éleva vers le ciel à une prodigieuse hauteur, cet épanouissement de flammes éclaira la Floride entière, et pendant un instant incalculable, le jour se substitua la nuit sur une étendue considérable de pays. Cet immense panache de feu fut aperçu de 100 000 en mer, du golfe comme de l'Atlantique, et plus d'un capitaine de navire nota sur son livre de bord l'apparition de ce météore gigantesque. La détonation de la Columbiade fut accompagnée d'un véritable tremblement de terre. La Floride se sentit secouée jusque dans ses entrailles. Les gaz de la poudre, dilatés par la chaleur, repoussèrent avec une incomparable violence les couches atmosphériques, et cet ouragan artificiel, 100 fois plus rapide que l'ouragan des tempêtes, passa comme une trombe au milieu des airs. Pas un spectateur n'était resté debout. Hommes, femmes, enfants, tous furent couchés comme des épis sous l'orage. Il y eut un tumulte inexprimable, un grand nombre de personnes gravement blessées, et J.T. Maston, qui, contre toute prudence, se tenait trop en avant, se vit rejeté à 20 toises en arrière et passa comme un boulet au-dessus de la tête de ses concitoyens. 300 000 personnes demeurèrent momentanément sourdes et comme frappées de stupeur. Le courant atmosphérique, après avoir renversé les baraquements, culbuté les cabanes, déraciné les arbres dans un rayon de 20 000, chassé les trains de railway jusqu'à Tampa, fondit sur cette ville comme une avalanche et détruisit une centaine de maisons, entre autres l'église Sainte-Marie, et le nouvel édifice de la Bourse qui se lézarda dans toute sa longueur. Quelques-uns des bâtiments du port, choqués les uns contre les autres, coulèrent à pic, et une dizaine de navires, mouillés en rade, vinrent à la côte après avoir cassé leurs chaînes comme des fils de coton. Mais le cercle de ces dévastations s'étendit plus loin encore, et au-delà des limites des États-Unis. L'effet du contre-coup, aidé des vents d'ouest, fut ressenti sur l'Atlantique à plus de 300 000 des rivages américains. Une tempête factice, une tempête inattendue, que n'avait pu prévoir l'amiral Fitzroy, se jeta sur les navires avec une violence inouïe. Plusieurs bâtiments, saisis dans ces tourbillons épouvantables sans avoir le temps d'amener, sombrèrent sous voile, entre autres le Child Harold de Liverpool, regrettable catastrophe qui devint de la part de l'Angleterre l'objet des plus vives récriminations. Enfin, et pour tout dire, bien que le fait n'ait d'autre garantie que l'affirmation de quelques indigènes, une demi-heure après le départ du projectile, les habitants de Gorée et de Sierra Leone prétendirent avoir entendu une commotion sourde, dernier déplacement des ondes sonores, qui, après avoir traversé l'Atlantique, venaient mourir sur la côte africaine. Mais il faut revenir à la Floride. Le premier instant du tumulte passé, les blessés, les sourds, enfin la foule entière, se réveilla, et des cris frénétiques « Hourra pour Ardan !»« Hourra pour Barbicane !»« Hourra pour Nicholl !» s'élevèrent jusqu'aux cieux. Plusieurs millions d'hommes, le nez en l'air, armés de télescopes, de lunettes, de lorgnettes, interrogeaient l'espace, oubliant les contusions et les émotions, pour ne se préoccuper que du projectile. Mais ils le cherchaient en vain. On ne pouvait plus l'apercevoir, et il fallait se résoudre à attendre les télégrammes de Longspeak. Le directeur de l'observatoire de Cambridge se trouvait à son poste dans les montagnes rocheuses et c'était à lui, astronome habile et persévérant, que les observations avaient été confiées. Mais un phénomène imprévu, quoique facile à prévoir et contre lequel on ne pouvait rien, vint bientôt mettre l'impatience publique à une rude épreuve. Le temps, si beau jusqu'alors, changea subitement. Le ciel assombri se couvrit de nuages. Pouvait-il en être autrement ? Après le terrible déplacement des couches atmosphériques et cette dispersion de l'énorme quantité de vapeur qui provenait de la déflagration de 400 000 livres de pyroxyle, tout l'ordre naturel avait été troublé. Cela ne saurait étonner, puisque dans les combats sur mer, on a souvent vu l'état atmosphérique brutalement modifié par les décharges de l'artillerie. Le lendemain, le soleil se leva sur un horizon chargé de nuages épais, lourd et impénétrable rideau jeté entre le ciel et la terre, et qui malheureusement s'étendit jusqu'aux régions des montagnes rocheuses. Ce fut une fatalité. Un concert de réclamations s'éleva de toutes les parties du globe. Mais la nature s'en émut peu, et décidément, puisque les hommes avaient troublé l'atmosphère par leur détonation, ils devaient en subir les conséquences. Pendant cette première journée, Chacun chercha à pénétrer le voile opaque des nuages, mais chacun en fut pour ses peines, et chacun d'ailleurs se trompait en portant ses regards vers le ciel, car par suite du mouvement diurne du globe, le projectile filait nécessairement alors par la ligne des antipodes. Quoi qu'il en soit, lorsque la nuit vint envelopper la terre, nuit impénétrable et profonde, quand la lune fut remontée sur l'horizon, il fut impossible de l'apercevoir. On eût dit qu'elle se dérobait à dessein au regard des téméraires qui avaient tiré sur elle. Il n'y eut donc pas d'observation possible, et les dépêches de Longspeak confirmèrent ce fâcheux contretemps. Cependant, si l'expérience avait réussi, les voyageurs partis le 1er décembre à 10h46 et 40 secondes du soir devaient arriver le 4 à minuit. Donc, jusqu'à cette époque, et comme après tout il était bien difficile d'observer dans ces conditions un corps aussi petit que l'obus, on prit patience sans trop crier. Le 4 décembre, de 8h du soir à minuit, il eût été possible de suivre la trace du projectile qui aurait apparu comme un point noir sur le disque éclatant de la lune. Mais le temps demeura impitoyablement couvert, ce qui porta au paroxysme l'exaspération publique. On en vint à injurier la lune qui ne se montrait point. Triste retour des choses d'ici-bas. J.T. Maston, désespéré, partit pour Longspeak. Il voulait observer lui-même. Il ne mettait pas en doute que ses amis ne fussent arrivés au terme de leur voyage. On n'avait pas d'ailleurs entendu dire que le projectile fût retombé sur un point quelconque des îles et des continents terrestres, et J.T. Maston n'admettait pas un instant une chute possible dans les océans dont le globe est aux trois quarts couvert. Le 5, même temps, les grands télescopes du Vieux Monde, ceux d'Herschel, de Ross, de Foucault, étaient invariablement braqués sur l'astre des nuits, car le temps était précisément magnifique en Europe, mais la faiblesse relative de ces instruments empêchait toute observation utile. Le 6, même temps, l'impatience rongeait les trois quarts du globe, on en vint à proposer les moyens les plus insensés pour dissiper les nuages accumulés dans l'air. Le 7, le ciel sembla se modifier un peu. On espéra, mais l'espoir ne fut pas de longue durée, et le soir, les nuages épaissis défendirent la voûte étoilée contre tous les regards. Alors cela devint grave. En effet, le 11 à 9h11 du matin, la lune devait entrer dans son dernier quartier. Après ce délai, elle irait en déclinant, et quand même le ciel serait rasséréné, les chances de l'observation seraient singulièrement amoindries. En effet, la lune ne montrerait plus alors qu'une portion toujours décroissante de son disque et finirait par devenir nouvelle, c'est-à-dire qu'elle se coucherait et se lèverait avec le soleil dont les rayons la rendraient absolument invisible. Il faudrait donc attendre jusqu'au 3 janvier, à 12h43, pour la retrouver pleine et commencer les observations. Les journaux publiaient ces réflexions avec 1000 commentaires et ne dissimulaient point au public qu'ils devaient s'armer d'une patience angélique. Le 8, rien. Le 9, le soleil reparut un instant comme pour narguer les Américains. Il fut couvert de huées et, blessé sans doute d'un pareil accueil, il se montra fort avare de ses rayons. Le 10, pas de changement. J.T. Maston faillit devenir fou, et l'on eut des craintes pour le cerveau de ce digne homme, si bien conservé jusqu'alors sous son crâne gutta-percha. Mais le 11, une de ces épouvantables tempêtes des régions intertropicales se déchaîna dans l'atmosphère. De grands vents d'est balayèrent les nuages amoncelés depuis si longtemps, et le soir, le disque à demi rongé de l'astre des nuits passa majestueusement au milieu des limpides constellations du ciel.